On cherche moyen pour devenir riche vite. Galère. Quotidiennement nique le trip 6. Conce plus de lignes qu'à slick vite. Fume plus de gaz que dans les 60s. Drip c'est négro comme FIFA. Détient vision comme Rifa. Audio drogue dur comme Sissa. MMS dans la trap house comme Diffark. Chaque journée gros je fume la verre. Garde mon sang froid comme un reptile. Stratégique dans mon lexique. 6-6-7 cartel comme au Mexique. J'ai le float, mi, ami. Bientôt comme JS en porte dans 305. Nommé, J, Annie. Chaque jour je prie pour pas finir en 305. Je vois la vie comme Oda. Pirate, chaîne pirate O2. Négro je me sens comme Yoda. Chez nous flow y'a trop de galère. SO, my jean, sweatshirt. Sur la prod braquage. Braquage. Sur la prod braquage. Braquage. Sur la prod braquage. Braquage. Sur la prod braquage. SO, my jean, sweatshirt. Sur la prod braquage. Braquage. Sur la prod braquage. Braquage. Sur la prod braquage. Braquage. Sur la prod braquage. Trop de, j'ai fumé trop de gains. Tué trop de lame. Les humains, je suis comme la base de la base. Négro, je me sens comme un singe. Je travaille ma glande, négro comme un pain. Dangereux comme Hiroquin. J'y pas dans le jeu comme un petit rouquin. Je connais tes limites, je t'élimine. Je connais pas mes limites, j'en ai pas. Au-dessus de ce merdier comme Evil Pimp Levit. Je suis au sommet, à mes pieds, tu te prépares. Je traîne avec des étoiles, constellation 6-7 dans l'espace pétasse. Pas fond, tu ailles comme c'est l'as. Dans les sauts, hélas, pas de place, tu t'étasses. Dans les bas, fond comme un squale. Je traîne avec les polars. Carré comme un cintre, j'ai les épaules larges comme art. Fais pas la guerre si tu sais pas la faire. Dakar dans nos artères, gravité zéro, négro. Notre avenir se lit plus à la terre. On est dans l'ombre comme la ligue. Avorti les champs comme Molins. Passe à les manches morts, SOJ, Caroline. Molins sur le game comme Molins. SO, my jean, sweatshirt, sur la prod braquage. Braquage. Sur la prod braquage. Braquage. Sur la prod braquage. Braquage. Sur la prod braquage. SO, my jean, sweatshirt, sur la prod braquage. Braquage. Sur la prod braquage. Braquage. Sur la prod braquage. Braquage, sur la prod braquage.